400 yens. La rue, ya. Yeah. On fait du rap pour les ondes. Dans la dead zone, des rues de Paris, fuck les tailles, c'est sans. Jeune banni, délinquant, style, pas tous dans la dead, ya. Yeah. Négro, allume un split, c'est la yen. Viens avec ça, la gangsta, nourrie à la peine. Tu sens la merde, tu mets la haine dans la prose. Tous toi à ricaner, dis aux soldats de lever les armes, c'est la guerre. Ya, yeah. J'ai crié eux et leur mère. Veulent piller nos rêves, nous voir caner. Mais j'ai pas envie de céder au système. Militant dans les chaînes depuis le time. Rap dans les zones de non-droit, moi et mes guys. Le son des bannis. Quand la rue a sur la relève, y'a c'est art. Tous nourris au tragique. Pour les jeunes qui baisent la police, les petites cailles de champigny à trembler. 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est bas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. Du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est bas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. J'ai sonné la riposte. Broyer les pistes, ça vient de ripan. Négro, je fais des jongles en rappant. Enfin, c'est troublant d'un jeune beurre qui a failli déraper. La France vient kidnapper. Caroline des 200 sur ses mains d'acier. J'ai plus le temps de casser mon frère dans le vent. Alors écoute, ma société me dégoûte. Que Dieu ait pitié de nous, on a fait fausse route. Même couleur, même souffrance jusqu'au Queen's Gate. Nos histoires se ressemblent comme les Twins. Une espèce en voie de disparition. Le chant des hyènes déchire la nuit quand monte la pression. Les fachons des uniformes éclairent ma banlieue par les gyrophares quand les petits s'endorment. Versés par les cris des gendarmes calibrés. Pour être libre, faut vivre caché, négro. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est bas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est bas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. J'pète un câble, l'ascenseur tombe de haut. Sans coupable, les censeurs de la France d'en haut. Ça vit grave, vit grave, pour ça qu'on a la voix haute. La confiance fait rare, comme un ouange de Maroc. Ça baraude à la fume, ça se dépille à la fenêtre. Les carottes s'affûtent et les stupes se font mettre. C'est pas l'hier, man, que je squatte le rez-de-chaussée. Calibré mes plats plus raides sur la chaussée. Moi je sais en quoi je crois, et ce que je veux créer. Peut-être qu'un jour ça ira, qu'il y aura un super héros. Une vision irréelle pour gérer l'indifférence. Les risques sont les mêmes, confuses et la souffrance. Y'a pas d'honneur, man, que des complots. Plus de bonheur, ah, le mal est de trop. À croire qu'on est invalide, qu'on ne sait pas comment ça marche. Rien à voir dans ce désert, la soif de vivre, on s'arrache. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est pas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est pas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est pas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. C'est du 9, 3, 9, 4, la rue est la même, c'est pas. Écoute le son qui met la haine. Écoute, c'est la yen, yo. Clique de gangster. 400 yen, Larson, équipe de gangster. Équipe de gangsta, la rue. 400 yen, Larson. 493, yo. La bébé, le gars, 400 yens, la yen, 400 yens, la, yen, la rue, 93, 94, aïe, équipe de gangsters.